L'alliance des Sud-Coréens au Japon pour la démocratie et la réunification a mené le 15 devant les ambassades des États-Unis et de la Corée du Sud au Japon une action protestataire contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes de nature agressive. Y ont pris part, entre autres, les membres de la Ligue de la jeunesse sud-coréenne au Japon, de l'Association démocratique des femmes sud-coréennes au Japon et du Conseil des étudiants sud-coréens au Japon. Au cours de la protestation, on a donné lecture de la pétition demandant l'arrêt des manœuvres conjointes et du déploiement de SAD avant de la remettre respectivement aux ambassades précitées.